Léonce Vitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale dément les propos du conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République, des propos selon lesquels Agathon Rwasa n'a pas de membre en matière politique. On en parle dans cette édition. Un homme de la commune Nyalusanga en province de Gitega au centre du pays dit avoir failli être tué par des jeunes du parti au pouvoir Amabanda au sud. Il demande à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de suivre de près sa situation et d'agir. Dans cette édition également, on parlera délestage de l'électricité en mairie de Bujumbura. Des habitants de la zone urbaine de Brisa demandent un horaire bien planifié. Ils demandent et ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'injustice. Et puis, le Parlement burundais a solennellement ouvert la session ordinaire du mois de juin. Au moins 16 projets de loi sont sur la table, pour les trois prochains mois. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. La radio de l'avenir. Le Parlement burundais a ouvert ce lundi la session ordinaire du mois de juin. 16 projets de loi, au moins, sont sur la table de l'Assemblée nationale au cours des trois prochains mois. Parmi ces projets de loi figurent notamment ceux portant modification respectivement du code pénal et du code de procédure pénale, ce dernier autorisant la perquisition de nuit sans nécessité de mandat de perquisition donné par le procureur de la République. Suivez Pascal Nyabenda, le président de l'Assemblée nationale, qui énumère certains de ces projets de loi. Ces projets de loi sont les suivants. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Le projet de loi portant révision du code pénal. Projet de loi portant révision du code de procédure pénale. 11. Projet de loi portant régime pénitentiaire. Le projet de loi portant mission, composition, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À cette occasion justement de l'ouverture de la session ordinaire de juin, le président de la Chambre basse du Parlement a salué l'initiative du président burundais de mettre en place la commission chargée de modifier la constitution burundaise. Encore une fois, Pascal Nyabenda. L'Assemblée nationale félicite la Commission nationale du dialogue inter-burundais, CNDI en sigle, pour son rapport final contenant les doléances des milliers de Burundais représentant toutes les couches de la population burundaise. L'Assemblée nationale encourage le gouvernement et tous les acteurs concernés par ce rapport à tenir en compte de toutes les recommandations qui y sont formulées, notamment les plus pertinentes, dont, entre autres, la révision de la Constitution pour l'actualiser et améliorer certaines de ses dispositions. Concernant la révision de la Constitution, l'Assemblée nationale félicite le chef de l'État pour avoir nommé les membres de la Commission nationale chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution. L'Assemblée nationale exhorte les membres de cette commission à faire preuve de loyauté à l'égard de la nation, en observant les doléances exprimées par le peuple qui est seul habilité à réviser la Constitution directement au suffrage universel ou indirectement à travers le Parlement, conformément aux articles 298 et 300 de la Constitution. Je vous le disais tantôt, le bureau de la présidence de la République affirmait que le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas de membres en matière politique. Le conseiller principal chargé de la communication à la présidence l'a dit vendredi lors d'une conférence débat sur les droits de l'homme au Burundi. Willy Nyamitwe explique qu'Agathon Rwasa, le numéro 2 de l'Assemblée nationale, n'a pas de parti politique. Suivez Willy Nyamitwe. Je réponds à celui qui a parlé des membres d'Agathon Rwasa. Même Ezebi a des membres. Mais contextualisons les choses. Est-ce que Agathon Rwasa a un parti pour qu'il dise « j'ai des membres de mon parti » Comment peut-on dire « tels sont des membres de tel individu » Comment les identifier? Pourquoi le malfaiteur attrapé avec un fusil se fait passer de membres de tel? Celui qui se revendique pour les malfaiteurs de ce pays, le temps viendra de lui demander si lui aussi est un malfaiteur. Parce que tu ne peux pas dire que tu as des membres alors que tu n'as même pas un parti. Qu'est-ce qui lui empêche de faire un parti politique? Ils ont fait Ami Zéro qui est devenu Ami Zéro et se sont séparés, chacun prenant sa direction. Tout cela montre que quelqu'un aura toujours des boucs émissaires. Il y a peu, ils disaient que c'est le pouvoir qui les divisait. Est-ce que Ami Zéro a été divisé par le pouvoir? Les uns ne sont-ils pas allés au Sénarède alors que les autres n'y sont pas allés? Il y a ce que nous appelons des accusations gratuites. Il n'y a pas de membre de Rwasa qui travaille comme sympathisant de Rwasa qui est dans ce pays du Burundi, car Rwasa n'est pas un parti qui pourrait avoir des membres. Willy Nyamitwe, traduction en français de Charles Makoto. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale trouve que les propos du conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République sont des propos déplacés. Agathon Rwasa affirme que la constitution burundaise garantit le droit équitable à tout citoyen en ce qui est de la vie politique du pays. Suivez Agathon Rwasa. L'espace politique ne peut être le monopole du CNDD-FDD. L'espace politique doit être pour tout le monde. Tous les citoyens sont concernés par la politique, peut-être à des degrés différents, mais tout citoyen est libre de penser, est libre de critiquer ou de contribuer à la bonne marche de son pays. L'article 22 de la Constitution prédit que nul ne peut être discriminé dans la gestion des affaires publiques. Comment alors maintenant le pouvoir peut dire que seuls les militants des partis politiques ont droit à dire quelque chose sur la politique de la nation, alors que nous sommes tous citoyens d'un même État? Y a-t-il des super citoyens et des moins citoyens? La réponse, qu'ils me le disent eux-mêmes. Je suis citoyen burundais, je dois, et de surcroît, je suis politicien, je suis à l'Assemblée nationale. C'est une institution politique. Comment est-ce que je peux dire que je n'ai nul droit de penser politique, je n'ai nul droit de porter un regard sur la politique au Burundi? Je crois que c'est plutôt des propos déplacés ou tout simplement une mauvaise compréhension de la dynamique politique qui doit être dans la vie de toute nation. Agathon Rwasa indique qu'il ne défend pas les malfaiteurs, mais plutôt des innocents victimes d'injustice. Suivez-le encore une fois. Dire que je défends les criminels, ça serait quand même un peu bizarre. Même les avocats au tribunal, pour des gens qui ont commis des crimes, même des crimes de sang, ils font leur défense. Moi, je ne peux pas prétendre faire l'avocat du diable, mais de toute façon, je ne peux pas rester tranquille lorsque quelqu'un est arrêté et séquestré. Contrairement aux dispositions de la loi, lorsque quelqu'un est interné pour soi-disant détention d'armes illégales et qu'on ne produit pas ces armées-là, que quelqu'un a tenu une réunion et qu'on ne produit pas de PV ou de son, lorsque des gens sont malmenés juste parce qu'ils appartiennent à telle ou telle autre formation politique, parce qu'ils ne sont pas du parti au pouvoir, ça, je crois qu'en tant que représentant du peuple, c'est mon devoir. Et cette population-là, elle a droit à la défense. Je ne crois pas que la meilleure façon de défendre les gens, lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils sont traités injustement, que c'est se taire. Les citoyens burundais méritent d'être traités équitablement et qu'on n'abuse plus du pouvoir. Et comme ça, ils entendront moins de personnes qui se lèvent pour plaider la cause de ces innocents citoyens. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un certain Elvis Nsabimana, originaire de la commune Nyarusange en province de Gitega, demande à la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme, d'intervenir afin que la justice lui soit rendue. C'est après une semaine qu'il reçoit des soins à Mabanda, en province de Makamba, après avoir failli être tué, dit-il, par certains des jeunes Imbonera Kule de Mabanda qui lui ont volé tout l'argent qu'il avait eu comme salaire en Tanzanie. Jean-Pierre Misago. Ce sont des femmes qui passaient dans la vallée près du centre urbain de Mabanda qui ont averti qu'elles venaient d'apercevoir un corps dans une fosse le matin du 28 mai dernier. C'était en réalité Elvis Nsabimana, un jeune de Nyarusange, qui respirait encore dans cet endroit où il avait été abandonné la veille par trois jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD de Mabanda, croyant qu'il était déjà mort au taxa de bandits, selon des témoins sur place, qui avaient assisté à la scène et qui n'avaient pas intervenu, estimant que c'était réellement un bandit. Et pourtant, dit Elvis, je ne cessais de supplier à ces jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD de me conduire aux forces de l'ordre si j'étais réellement un malfaiteur. Ce jeune de Nyarusange dit qu'il est assisté par des gens de Mabanda qui ont senti compassion et demande à la CNDH de l'assister juridiquement et de cette façon recouvrer les 250 000 shillings tanzaniens avec lesquels il venait de rentrer de la Tanzanie comme salaire dans les plantations de tabac. Damien Zeimana, représentant la CNDH dans le sud du Burundi et qui est basé à Makamba, conseille à ce jeune homme lésé de présenter les plaintes. Dans un premier temps, Laetitia Niyonkuru, administrateur communal de Mabanda, qui aurait ordonné la libération de ces Imbonerakure arrêtés, a dit n'avoir pas été informé de ce cas avant de reconnaître que le dit cas a été évoqué dans une réunion de sécurité. Cet administrateur a même ordonné la sortie précipitée de cet homme de la structure de soins ce lundi matin pour être transféré chez eux, mais le procureur de la République à Makamba s'y est opposé, arguant que l'administrateur communal n'a pas les prérogatives de prendre une telle mesure. Jean-Pierre Misago depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Certains des habitants de la zone urbaine de Brisa dénoncent ce qu'ils qualifient d'injustice en ce qui est de la distribution du courant électrique. Ils affirment qu'ils peuvent passer des jours et des jours sans avoir de l'électricité. Certains de ceux qui exercent de petits métiers visités par la radio Isanganiro ce lundi semblent désespérés. Ils réclament un horaire de délestage bien planifié. Aubin Nyonguru. Un des habitants de la zone Kiza décrit une distribution irrégulière du courant électrique. La situation est catastrophique. Depuis un certain temps, je pense au partir du mois de février-mars, il y a une carence totale de l'électricité. Les habitants de Bouiza sont désespérés. On ne sait à quel dieu se vouer, d'autant plus qu'il y a d'autres quartiers aux alentours qui sont alimentés régulièrement, presque 24 heures sur 24 heures. Pour ceux qui exercent de petits métiers qui nécessitent le courant électrique, certains se sont déjà procurés des groupes électrogènes. Nous rencontrons celui-ci dans un secrétariat public. Il fait des photocopies rapidement parce que son groupe électrogène consomme du carburant, celui-ci étant aussi devenu rare. Je suis en train de faire des photocopies. Après une copie, je vais immédiatement éteindre le groupe pour économiser le carburant. Celui-ci dit qu'il lui est quasi impossible de pouvoir se payer le loyer. Il dit avoir déjà renvoyé un de ses employés. Les frais de photocopie sont passés de 50 à 100 francs par papier de format A4. Tant qu'on y est, il vient d'éteindre son groupe électrogène. Pour garder le moyen de communiquer, les gens sillonnent pour chercher ou charger le téléphone. Je dois circuler partout pour chercher là où je peux charger mon téléphone. Dans ce salon de coiffure, ils ont installé une plaque solaire. Celui-ci propose de les vulgariser. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de travail. On a opté d'utiliser des plaques solaires. Nous proposons de remplacer les alternateurs par des plaques solaires. Ces habitants d'Obgiza demandent aussi aux administratifs et élus du peuple de plaider pour eux. Merci Aubin. Certains habitants de la ville de Bujumbura craignent pour leur santé après la découverte des boissons prohibées fabriquées illégalement. Ces habitants demandent au gouvernement de prendre des mesures irrelatives dans le but de protéger la population. Suivez certains d'entre eux au micro de la radio Isanganiro. C'est une situation insupportable si on arrive même à consommer de l'urine humaine. Le gouvernement doit agir vite et saisir toutes ces boissons fabriquées dans l'illégalité. Pour moi, il doit y avoir une certaine complicité de la part de certains responsables. C'est incompréhensible que ces fabricants de ces boissons puissent continuer à travailler sans être inquiète. La police la pousse. Elle devrait les arrêter. Même les rebelles sont vite maîtrisés. Aussitôt qu'ils attaquent le pays, comment de simples fabricants de boissons prohibées peuvent être aussi puissants? Quel pouvoir? Auparavant, il existait des boissons prohibées comme Kanyanga et d'autres fabriquées à base d'icic. Et petit à petit, on commence à observer d'autres boissons de couleur jaune dans nos bouteilles en plastique, branches, souvent consommées par le bas peuple comme les conducteurs de vélo et d'autres. Quand on les regarde, on constate que leurs visages ont changé, donnant l'impression d'une personne vieille alors qu'il est encore trop jeune. Je trouvais qu'il est grand temps de lutter contre ces boissons. Kurondera abo bose babikora izo nzoga ziriho mu mabotique cyane cyane hariya mu makartier y'uburaruko. Les autorités publiques devraient chercher tous ces fabricants. Ces boissons sont éparpillées un peu partout dans les boutiques, surtout celles des quartiers du Nord, qu'on les arrête afin de les corriger. Malheureusement, je pense qu'il y a une certaine complicité basée sur la corruption. À certaines occasions, ces gens sont arrêtés, mais quelques jours après, ils reprennent les mêmes activités. Que le gouvernement s'implique effectivement, car la santé de la population est menacée. Mais d'une part, cela est dû à la pauvreté, car quand on ne peut pas se payer une bouteille de Primus, on se rabat sur ces boissons moins chères. Comment peut-il être facile de combattre les groupes rebelles et mettre moins de force dans la lutte contre ces boissons prohibées? Là, on risque de penser que parmi ceux qui devraient agir dans ce travail, il y a certains d'entre eux qui jouent la complicité. L'homme, en tant qu'élément de l'environnement, doit être sensibilisé pour parvenir à la protection effective de l'environnement. Cela est dit par Diomède Mujojoma, un des fondateurs de l'association Ensemble pour la protection de l'environnement, ACP en sigle, qui trouve que l'environnement est en train d'être détruit méchamment au Burundi au regard de l'allure de la surexploitation du sol, la pollution et la destruction des nappes phréatiques. Selon Diomède Mujojoma, il n'est pas tard pour redresser la situation au profit de tout le monde. Il l'a dit à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée habituellement le 5 juin de chaque année. Suivez Diomède Mujojoma, joint au téléphone par Placide Niyomungere. Actuellement, nous constatons amèrement que les sols perdent leur fertilité au fur du temps à cause de la surexploitation, de l'érosion et des méthodes culturelles non convenables à la conservation de l'environnement. Nous constatons aussi la diversité biologique se dégrade chaque jour, notamment suite à la destruction des habitats et aux méthodes d'exploitation inadéquates ou même illicites. Nous voyons aussi que les eaux des rivières et des lacs, des nappes, les phréatiques sont en train d'être pollués, ce qui les rend mal adaptés pour jouer leur rôle d'abreuver l'environnement en général, tandis que l'atmosphère est en train d'être polluée, notamment par les gaz à effet de serre d'origine industrielle, mais aussi et surtout par des feux de brousse. Qui doit protéger l'environnement? D'abord, c'est l'homme en particulier, puisque l'homme est l'un des éléments de l'environnement. Alors, si cet élément de l'environnement ne sait pas comment protéger l'environnement, ça devient autre chose. Mais pour savoir comment protéger cet environnement, il faut qu'il y ait des sensibilisations. Et ces sensibilisations doivent être menées par un duo entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales qui se sont assignées le rôle de protection de l'environnement. À vous entendre dresser la situation environnementale actuelle, faut-il dire qu'il est tard pour redresser la situation environnementale au Burundi? Il y a un adage qui dit qu'il n'est jamais tard à celui qui a la bonne volonté de faire quelque chose. Je ne peux pas dire qu'il est tard pour agir pour l'environnement, puisque même aujourd'hui, si on est conscient de ce que l'environnement, on peut faire des activités qui visent à protéger cet environnement et on peut sauver ce qui peut être sauvé. La journée mondiale de l'environnement pour cette année est célébrée sous le thème « Rapprocher les gens de la nature ». Au sport, les préparatifs de l'équipe nationale senior Inhamba Murugamba pour le match comptant des éliminatoires de samedi prochain contre la sélection du Sud-Soudan vont bon train. Selon le sélectionneur des Inhamba, même certains joueurs évoluant à l'étranger se sont déjà joints aux joueurs locaux. Olivier Niungeko indique que tout est fait pour gagner le match de samedi. Il est au micro d'Evariste Nzikobanyang. On a commencé les préparatifs depuis le 22 mai, c'est-à-dire il y a une semaine, mais bientôt c'est la deuxième semaine. À voir les joueurs, ils sont bien, ni tété, quelques blessures de certains joueurs. Les entraînements, on s'entraîne bien, ils sont tous là, ils sont en regroupement. Il y a les joueurs qui jouent à l'étranger qui sont déjà ici. De Sélémane, on a commencé à s'entraîner ensemble. Il y a Frédéric Nsabiyumva qui lui aussi est venu à temps. Et il y a les deux autres qui jouent au Rwanda, c'est Naïma Nachassid et Kwizera Pierre. Nous sommes tous là. Il y a Fiston qui est arrivé hier, Cédric qui va arriver aujourd'hui. Il nous restera seulement deux joueurs. Il y a Lodi Mavugo qui joue en Tanzanie et Karim Nizigimana qui joue au Kenya. Aucune fois depuis son existence, l'équipe nationale n'a jamais mis le pied dans la phase finale de la CAN. Qu'est-ce qui est de nouveau cette année? Est-ce qu'on peut espérer une qualification? On ne démérite pas d'aller dans ces compétitions. C'est seulement la préparation et je dirais qui nous manque, on commence un peu tardivement. Et puis, il y a nos joueurs aussi qui acquisent de l'acquis physique. Les acquis physiques, comme joueurs dédiés, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. C'est pour ça, même aujourd'hui, quand on fait ce genre d'entraînement, il y a des blessures. Mais il faut qu'on s'entraîne à ça parce que le football du haut niveau exige qu'un joueur soit bien préparé physiquement. Samedi, c'est le grand jour, c'est le grand rendez-vous. Quel est le message à l'endroit du public? Oui, je dirais à tout le public burundais, à tous les fans du football, de venir très nombreux, assister leurs jeunes joueurs, leurs frères et leurs amis. Et ce sera un match très important pour nous, parce que ce sera le premier match de ces éliminatoires. Il faut qu'on le gagne, il faut qu'on prépare à gagner ce match avec nous, avec tout le public, avec tout le Burundi. Il faut venir nombreux au stade. Les joueurs, je le dis toujours, on se confirme parce qu'on a fait un beau jeu, on a gagné le match. Et je sais qu'avec l'esprit que je vois qu'ils ont, on gagnera ce match. Dans la phase éliminatoire de la CAN édition 2019, le Burundi est dans la même poule avec le Soudan du Sud, le Soudan, le Mali et le Gabon. Et voilà, assez à 13h passées de 18 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine Hakizimana et son équipe de stagiaires pour la parfaite collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.